couché sur la plage, tu regardais les bateaux. Moi comme d'habitude, je faisais le con dans l'eau. On se parlait de l'Amérique en se montrant des photos. Photos découpées sur de simples journaux. J'arrêtais pas de parler, j'arrêtais pas de raconter l'histoire d'une certaine Daisy qui m'avait quitté. Un soir de décembre, elle a tout cassé. Elle m'a laissé tout seul sur le pavé givré. Amérique effacée.